Voilà. Bonjour les amis. Salut, bonjour, bonsoir. Voilà. Ils sont là. Merci. Bonjour sur YouTube et bonjour sur Facebook. Aujourd'hui, je n'utilise pas le micro. Aidez-moi avec le son. Ça va sur YouTube. Ben, ingénieur de son, Bazali. Il faut consulter l'air. Hein. Ben, ingénieur de son. Alors, ben, ingénieur de son sur Facebook et puis sur YouTube, Bazali. S'il vous plaît, aidez-moi. Ça va, les sons? Ça marche. Merci. C'est qui ça? Oh, les noms sont passés rapidement. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous avez passé un bon week-end. Et depuis la semaine, ça a toujours difficile. Hein? Il y a beaucoup de gens, moi aussi. Lundi, hein, parce que lundi, Batubazara toujours fatigué avec des courses, des marches. Il y a famille le week-end. Et puis lundi, mon aka fatigué Zara Ming. Voilà. Merci. Juste, je porte ma montre. Hein. Voilà. Donc, nous revoici. Semaine est bandit, puis plutôt bandit. Et tout y est Makamba Congo comme d'habitude. Et les lots, je pense que tout y est sur la na point moko ou bien mi balé, je pense. Tout mekako sur la yango parce que tout kokiko l'emba jamais na makambo ezole kanambo kanabiso. Et il faut tout le bas, tout le bas, tout le bas. Même la Bible, Coran ou bien le livre, il y a religion. La Bible, il y a yango et bota, ma kamonyo so. Il faut tout le bas, parce qu'il y a des gens, compréhension na bango et zali malembe. Il y a de ces gens, compréhension na bango et zali rapide. Et voilà. Et le Kaliboso, Tolito Sorola, Ezali, nouvelle Oyo Tozoyoka, Tomoni Naba Media, Ba Media Ya Rwanda, Ba Media Ya, bon, Ya Rwanda, Toloba Diaspora, hein, Rwandaise, et puis Ba Media internationaux, et Oyo Bazali, Ko signalé Bisoke, Monsieur le sanguinaire de l'Afrique centrale, M. Paul Kagame, Azali malade, et que l'État naïe Azali bien, il ne peut pas en réalité diriger le pays pour l'État wana. Et bon, il est bien qu'en Afrique, chez nous, même si Moutou Azali malade, toujours atingami na pouvoir. Vous avez vu Ali Bongo paralysé, mais Ali Bongo na banzete na ye azo tingama toujours na pouvoir. To yebite, pouvoir en haut, balingaka nini. Parce que vous avez l'argent, vous avez eu des honneurs. Je pense que Zali Malam opona ko bima. Avec ces honneurs, au bimi, parce que santé, ils ont permettre yote. Vous avez vu le premier ministre japonais, M. Shinzo Abe, a outil démissionné. Et a lobby très bien que l'état de santé n'a pas permettre y était pour que a décidé malam pour Namboka. Voilà, bah, leader Ndenge Bazalaka. Au sentir que Moutou est sous malamouté, au sentir que ça ne va pas, aux okokate, vaut mieux qu'on démissionne avec bonheur, bien sûr que Baya Kolongola, le monsieur là, Yamali, Ibeka. N'Afrique, tout comme dans le niveau Wanati. Quand on est président, on est ministre, on se croit être éternel, on a toujours la fonction. Voilà. Alors, tout le monde, au Azali, qu'au Poussana, que Ayako Zouaï, fonction Oyo Azali, il y a toujours des problèmes, des arrestations, des assassinats, et pour juste qu'on Batouana, qu'on marginalise Batouana. Et pourtant, le leadership, ce n'est pas ça. Donc, chez nous, en Afrique, nous devons encore travailler dur pour que. Toyeba comme à un niveau ana yakolongwa si ça ne va pas. Chez nous au Congo particulièrement, nous avons un président qui est incapable de tout, mais akoki kolongwa te, akoki ko démissionner te. Donc c'est comme si ce qui batie wana collé akoki kolongwa te, kolongwa ezali lokola péché pour na yo. Alors, Monsieur Kagame, Toyebi très bien que Monsieur Kagame joue toujours la politique, il y a Corée du Nord, où le président nord-coréen disparaît à tout moment, il disparaît dans le public, juste pour voir Nanazali contrayé, Nanazali comme manigancé contrayé, et par la suite, elle pour réapparaître, il y a toujours des morts, des assassinats en Corée du Nord. Alors, M. Kagame, depuis un certain moment, a adopté cette politique de la Corée du Nord de disparaître à un moment donné, juste pour tenter de chercher opposants ou bien Bato Bazali à contrer Bazali Kolobanini. Donc, il traque des gens, naba téléphone, naba ngo, naba contact, naba ngo, pour voir qu'est-ce qu'ils disent. Il semblerait que le président est décédé, le président est malade, le président est ceci. Alors, tout le monde a opposé opportunité wana pour chercher de bouger, peut-être qu'on au pouvoir. Alors, à tout moment, vous avez remarqué que à tout moment que Paul Kagame disparaît, quand il réapparaît, il y a toujours des arrestations. Et vous avez vu l'opposant. C'est lui qui occupe à tout moment la partie sud du Rwanda. Nathan Wayoki, qui est Paul Kagame, est malade. Il ne peut rien faire pour le moment. Alors, il a bougé comme un mouton. Et voilà, Nathan a bougé comme un mouton, juste à signaler localisation naïe. Et voilà, Bautiko Kangaye, le lobby. Vous comprenez? Donc, il faut se méfier de la politique. Bon, les problèmes rwandais, ça ne nous concerne pas du tout, mais il faut toyer qu'est-ce qui se passe. Parce que pour moi, en réalité, M. Paul Kagame, ce qui a confié, c'est un regret. C'est un regret dans le sens que M. Kagame, c'est quelqu'un qui doit se justifier comment il a détruit le Congo, comment il a réussi Yakocha insécurité au Congo. Monsieur Kagame, c'est quelqu'un qui doit être jugé. Or, si Monsieur Kagame décède aujourd'hui, comprenez que Akokenena secret est bêlé, bah Congolais, bah Koyé, bah Penza, bah vérité, nous sauter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Donc, pour moi, Monsieur Kagame, il faut que je prie pour lui pour qu'il ne décède pas, qu'il reste en vie, même paralysé au niveau cérébral. Alors, qu'il reste en vie. Même si Azali Nakomanaye, quand même, Er Moko Ayeba, Akoyi Koyeba, qu'est-ce qui se passe sur la Mouki-Mouki? Donc, voilà. Mais ce qui nous intéresse pour Nakoya Alelo, Azali, situation toujours Yambo-Kanabiso na Congo, concernant recensement. Et Fatih le bidon. Aoutei ko lanse kampanye moko, swa dizan, basa la recensement. Toujours to yaka poto mekako explique que il y a des décisions qu'on ne ramasse pas par-ci par-là. Vous avez trouvé une décision quelque part. Oyebi motivation, il y a décision en athée. Mbalamoko, vous ramassez ça à la mêlée et au rendre en go public, au rendre en go effective. Faut faire très attention. Parce que chez nous au Congo, avant de se lancer dans le recensement de la population, il faut d'abord qu'aussi sa insécurité aux Ezali Nambokanabiso, il faut d'abord résoudre les problèmes migratoires Nambokanabiso, il faut maîtriser la frontière Nabiso, et il faut qu'au tcha hors territoire Nabiso, groupe Nyonso aux Ezali Kotcha insécurité. Parce que cette insécurité favorise la frontière Nabiso comme un passoire. Tout le monde peut rentrer au Congo. Que ce soit la frontière aérienne, que ce soit la frontière terrestre, Nyonso, Ezali na insécurité. C'est-à-dire tout le monde peut venir. L'aéroport Ndjili, tout le monde peut venir. Un Chinois peut venir avec juste un passeport chinois, il arrive sans visa. Avec un petit 50 dollars, il rentre et il prend la carte d'électeur, il devient Congolais. Un Libanais peut venir, il rentre avec un 100 dollars et il a la carte d'électeur et demain il est Congolais. Un Rwandais peut marcher, rentrer à Goma, demain matin il est Congolais. Un Burundais, tout le monde peut rentrer chez nous et le lendemain, Bazaliba bah, Congolais. Alors, Touya a toujours pour intervenir pour dire à Monsieur Félix que on ne blague pas avec le pays. Baya kanamboka loko la stagiaire dit, on ne vient pas apprendre na kiti ya présidence. C'est très très très dangereux. Voilà, ba décision na ya zwa kala mêlée, il ne sait pas comment prendre cette décision. Comment sécuriser cette décision à Zali Kozoa? Et hier, à l'okotaka toujours à lancer, et ma conséquence, on a toujours batounaye pour n'ayako défendre yé ba béton. Ba défendre yé ayébi kosala moussala. Mais sur le terrain, c'est vraiment malheureux. On a annoncé, j'arrive pour ma camarade recensement. On a annoncé la fois passée massacre yaba élève Nabiso. Oyobakende, ça l'examen pour passer l'école secondaire, ben l'école primaire. Cinq de nos enfants, élèves, massacrés à Massissi. Silence total. Et aujourd'hui, on nous apprend 35 attaques de nos élèves. C'est-à-dire que Bana Oyobazo qui négocie l'examen d'État, Bana Oyobazo, pardon, examen d'État, examen, je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, je n'ai pas laissé ça. Examen d'orientation, je ne sais pas comment on appelle ça. Juste pour ne pas passer l'école secondaire. Oyobazo qui déjà, Bazali poursuivi na banda kunabango, Bazali attaqué. 35 ont été attaqués. Et parmi ces 35, il y a une dizaine, Bazali violés, de filles ont été violées. Des innocents congolais attaqués dans Mbokanabango, il n'y a personne pour les sécuriser. Moutako sécuriser Bango Azate. On n'a pas de responsables dans Mbokanabiso. Alors, comme nous parlons de la population, Félix a lancé campagne naïe, Yako recensé Batou. Il semblerait qu'il prépare. Ma carte d'électeur pardon, ma carte pour citoyen, ma carte d'identité pour les Congolais. C'est bien bon. Mais attention, dans quelles conditions, dans quel environnement, Oyo, Okoki, Kosa, la carte d'identité pour la population. Et d'ailleurs, la carte d'identité, Ezali Kaka pour la population Nayote, des cartes d'identité pour la population congolaise et des cartes d'identité pour les étrangers. Ezali malamu. Mais environnement nini. Qui est censé cause la responsable? Il y a ma carte wana Et avant y a copé sa batouba carte wana, il faut recensement. Félix Matang wazo ko sala gouvernement na ye na Kabila. Félix a quitté cahier de charge. Il y a un ministre Nyonso Oyo azali ko signer ordonnance. Ba ministre Oyo azali ko tcha pour que ba travailler na gouvernement na régime na ye. Ye, il s'est précipité pour que azwa finance Oyo kala ko zwate parce que problème ezala ki l'argent Kabila Aboya qui copait sa finance, Alinga qui a joué ministère ya intérieur, parce que le ministère intérieur, wana sécurité na ye, et koye koza la garantie, entre guillemets, Ayeba qui a koza la ba milice na ye. Il savait qu'il va créer ses milices, et ba milice wana ba koza la camoufler, na ministère ya intérieur, pour ba protéger ye. Awele yiko ministère ya affaires étrangères, mais malheureusement, ayeko tcha, juste Mama Coco, ou yo peut-être kare ko lamba na sima ya dixième marine nanda kwa ityo ntisika bane ko lamba Tshibela Bela. Donc, une maman qui ne maîtrise rien de la diplomatie. Alors, Félix ayeba kite que, d'abord, il est venu sans programme, na koyiko blame te ka ayeba kite. Il est venu sans programme, ayeba kite que, soki na komi président, nani akozala wapi po aidenga na nini. Mais problème à recensement, les Congolais tolobelaka yango chaque fois que il faut tout ça la recensement dans Bokanabiso. Il faut to yeba qui est venu quand et comment. Comment bazwa nationalité congolaise. Comment bazwa résidence permanente dans Bokanabiso. Alors Ayebondima, qu'on signe ordonnance que M. Azarias Ruberwa, Oyoboye insigé rwandais, qui est venu au Congo comme réfugié, qui devient congolais par miracle. M. Azarias Ruberwa, Azali, ministre de la décentralisation. Félix Natangwa qui n'a pouvoir, n'a pléthorique qui a conseillé naïe. Je me demande ce baye baki moussala ya ministre ya décentralisation. Est-ce que baye baki yango be baye baki te? Lelo geger ezali, bitumba ezali entre ces ministres de décentralisation, M. Rouberoy, na ministre ya intérieur, Kankonde, je pense, moutou ya UDPS. Bazali kowela nani moto akozala na charge ya recensement. Mais ce qui est allé bien, na ba cahier de charge ya ba ministre nyonso na mboka na biso, ezali ministre ya décentralisation moto akozala na charge ya recensement. Ezali ministre ya décentralisation, moutoua kozala na charge, il y a recensement. Alors, Félix maintenant se retrouve devant une équation. Atika Rouberoy a sa recensement, ou bien Kankonde, ministre ya intérieur, a sa recensement. Mais avant d'abord, il y a kokende na lutte wana, na bagarre wana. Je pense que par la suite, Félix avait compris que recensement, on a lingi ko salisa, moutou a ko s'occuper nan wèza ministre ya décentralisation, il fallait quand même qu'il cherche un remaniement pour qu'il place moutou ya confiance ou yo a koyi ko mene ba recensement wana. Remaniement et salamité. Bagarre. Mikolo et Koya, Bogomona Bawe ou Abawakitananzela. Pour que recensement et Zala dirigé par M. Robert Watte. Mais les textes sont clairs. Bah, texte et Zali clair que recensement et Zali n'a charge à ministre Wanaya décentralisation. Yango tolobaka chaque fois soit tozali kolobake. On ne place pas des idiots à la tête d'un pays. Surtout mboka o ezali lokola Congo. Un pays à conflit. Un pays à désordre. Tout le monde peut venir et après une semaine, un mois, une année, devenir ministre, devenir président. Il faut que ça soit un qui comprend Makambundenge Ezali, qui peut prendre des décisions, qui peut anticiper, qui peut prévoir. Donc, pour Félix, ezali juste pouvoir naïe. Maka Moussousou est concerné, yete. Ezaka juste pouvoir naïe, que sa famille soit sécurisée financièrement. C'est tout, pas autre chose. Donc, voilà maintenant Tozali na impasse. Ezali Rouberois, mon tawassa, sa recensement. Et quand Rouberois prend la charge de recenser la population congolaise, comprenez la suite. Tous allez que le babou était parce que tous allez besoin de pouvoir. Tous allez que le babou parce que les décisions de Félix, ezali que tiens beaucoup cannabiso. Na danger moko oyo to kokoka ko résoudre ngote na futur. Voilà les moments, les soi-disant opposants na mboka na biso. Voilà soi-disant parlement ya mboka na biso et si ka bako côté de Misako Tcha Félix halt. Ezali problème ya survie nationale ya mboka na biso. Soit on sursoit cette histoire ya ba carte d'identité, soit remaniement, soit revoir ba cahier de charges. Je ne suis pas juriste, je ne maîtrise pas la loi, les lois congolaises. S'il y a des chambres, s'il y a un moyen juridique d'échanger les cartes, de revoir les cahiers de charges de ministres, pour que ces recensements ezala na maboko ya une personne douteuse. Je ne sais pas quoi le baboyer, ce qui est si canini tribalisme et si canini un ezali. Et si canini jalousie ezali, donc il y a des choses qu'il faut défendre, mais ezali comme source d'intérêt national, mes chers frères et sœurs, l'opium, yakolinga Félix, yakolinga famille, tu sais que dit, il faut qu'on dépasse yango. Il faut qu'on dépasse yango. Parce que demain, par conséquence, il y a ma décision, oh, Félix a zozoa. À ce moment-là, Félix a zozoa na pouvoir te. Et comme toi, bibino, que bon di makate. Donc, toi, bibino, vous êtes des gens, oh, yo, mensonge, ezali na aden nabino. Mensonge, c'est votre vie. Mensonge, ezali façon de vivre nabino. À ce moment-là, na tango Congo a banako subir ba conséquence ya ba décision ya lelo Félix Azosala, à ce moment-là bokondi mayangoti. Alors maintenant c'est la responsabilité des Congolais qui raisonnent conscient ya ko tia mwana ya Etienne Tshisekedi oyo halt. Hélas, la plupart des Congolais Moussala Nabango juste au Koumi Sabatou na inbox. Moussala Nabango juste comme ba observateur, ba zota la match et zobeta, sans l'air concerne pas, les problèmes yambo kanabi se concerner bangote ah musala ou sala musala malam papa continue na musala wana mais chez lui à la maison na balabala na musala partout azokende silence total comme si notre pays allait très bien il y avait pas un problème. C'est comme si parler pour notre pays ezali quelque chose donné à un groupe de gens et bamususu bazali juste ba spectateur. Ba observateur miwe. Maintenant situation tozali ko traverser siko na mboka na biso ezali situation o ezali ko senga mwana nyonso ya Congo a telema à la mouka, à l'oba, à pekisa. Parce que moto ou azali à la tête, soi-disant, président de la République, azali inconscient, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Il azali wana juste pour na biloko mi baye. Azali wana pour na ba honneur, ba benga ye président. Azali wana pour na mbongo, qui le détourne. Souffrance au nyo so ba traversé pendant 37 ans, yé ali ko récupérer ango et au plus vite azali na course donc le reste des choses ça ne concerne pas Félix ça ne les concerne pas parce que sur Ibolobi peut-être que bicho toujours comme ça voyez-vous sur le terrain qu'est-ce qui se passe est-ce que vraiment un président peut admettre des choses comme ça. Un président qui a passé pendant 37 ans dans la lutte, soi-disant, de l'opposition pour n'a cause au pouvoir, ta population est massacrée 10 jours au jour, les caisses de l'État sont vidées chaque minute, silence total. Les étrangers viennent vous menacer, ils vous menacent à partir de leur pays. Ils viennent vous menacer dans votre pays. Bozali ko monna, bozali ko landa, na bande ko zali na Twitter, bande ko oyo batala ka information ya Rwanda, bozo monna, comment est-ce que les autorités rwandaises défilent na ba télévision na bango, pour na commercer le Congo. Et ce qui kaka na kati ya Rwanda te, les Rwandais qui sont au Congo menacent les Congos sur les sols congolais. Et ces Rwandais, ce ne sont pas n'importe qui. L'ambassadeur ya Rwanda na Congo, Azali Kolembate, Sikoyo a commis qu'au Tchad, son challenge ba congolais. Alobi mutu moko azan na pouvoir ko benga na ya zate. Il n'est pas au Rwanda, il est à Kinshasa. L'ambassadeur du Rwanda au Congo est à Kinshasa. Il menace les Congolais publiquement qu'aucune personne n'a le pouvoir, l'autorité, la force de les chasser du Congo. Et cet ambassadeur ne reçoit aucune invitation de la soi-disant ministre des Affaires étrangères pour explication. Un ambassadeur révisionniste, un ambassadeur négationniste. Pouvez-vous admettre, est-ce que le Rwanda peut admettre un Congolais, un ambassadeur du Congo au Rwanda, nie les génocides rwandais? Le lendemain, il est renvoyé. Le lendemain, Azali renvoyé. Voilà na Congo. Ambassadeur ya Rwanda, Azali ko sala makamu na kukute. Na kotenga la bandeko, oh, Azali ko la nanga, s'il vous plaît, parce que je vois deux messages ici. Ce qui moyen Zali de me faire plaisir, botchaba like et belé, que ce soit dans YouTube ou bien dans Facebook, botchaba like et belé, botchaba mitema et belé, pour que vidéo live n'a plus chose à la signaler. Je vous le demande, ce qui Bolingui. Donc, cet ambassadeur, Azali na Kinshasa, Azali kolobe la makamwa na kokute ya kobomba na te, Azali kolobe yango publiquement. Ce qui est le tweet na ye, beaucoup mona yango, Azali kolobe la yango. Alors, mais le coup là, la personne qui est à la tête, la personne qui est censée. Il y a un problème sur YouTube, vous avez vu, et Zala qui est Katani, mais Tozon Xiangosus, et que vous êtes Katana, bon, soyez Katani à tout moment, comprenez, Tozali, qu'on faire face na Batu Oyo, bah, l'ingité tolo baba vérité. Donc, la lutte continue toujours, hein. Balingate, Mbo Cannabis, et que vous allez libérer. Donc, cet ambassadeur, Azali Kolobayango en public, Nako Batamate, Nako Bombanate, Moutou O Azali censé ko signer renvoi na ye, Azali marionnette, Yabakwande. Sazolobayango toujours, lui avec Kabila, il ne va pas se séparer, lui avec le Rwandais, ils sont de partenaires fiables. Lui-même, le président de notre pays, nie l'existence de plus de 12 millions de morts congolais. C'est-à-dire, pour Félix, au Congo, il y a eu aucun massacre, il n'y a pas eu de viol. Et les Rwandais n'est pas au Congo. Mais la question que les gens peuvent poser, les Rwandais n'ont pas de jugement, par exemple, de quelques minéraux. Les coltans, par exemple. Les Rwandais n'ont pas de jugement de ces coltans. Mais les Rwandais, aujourd'hui, est le premier pays exportateur du coltan. Ça, Félix ne les connaît pas. Les rapports mapping est clair. Et ces rapports mapping, on les dit à tout moment que ces rapports mapping n'ont pas été rédigés par les Congolais. C'est un rapport qui a été rédigé par l'ONU. Et les Nations Unies sont claires sur ces rapports mapping. Comment les Rwandais exploitent les Congos? Alors, malheureusement, aujourd'hui, tout le monde qui a accepté ces rapports mapping, à l'exception du Rwanda et quelques pays amis du Rwanda qui utilisent, qui protègent les Rwandais, questionnent ces rapports mapping, mais la plupart de la communauté internationale ont approuvé ces rapports mapping. Et voilà, Félix, à l'opposition, soi-disant opposition, il disait, tout le monde disait qu'on doit appliquer, demander à l'ONU d'appliquer ces rapports mapping, bah ça là, tribunal spécial pour les Congos. Et voilà, il débarque au pouvoir, inconscient. Il nie ces massacres, il nie ces détournements, il nie ces pillages du Rwanda au Congo. Juste pour objectif que le Rwanda les protège, qu'il reste au pouvoir aussi longtemps à Rolingayango. Mais, wapi biso ba Congolais, lelo soki ba Congolais ba telemi, na Kinshasa wana, sitin, na ambassade ya Rwanda. L'ambassadeur de Rwanda au Kennedy. Bah, Congolais, ceux qui basali par exemple un mois, manifestation pour exiger à l'ONU de créer ce tribunal spécial pour les Congos, tribunal de Salamaté. Mais non, les Congolais, bah, bimaka, comme dans le Wango toujours, s'ils entendent que la famille de Tshisekedi est menacée, l'argent n'est pas rentré. Voilà, à ce moment-là, les Congolais sortent pour manifester. Mais pour la survie, il y a un beau Kanabango, les Congolais, les Télémaratés, pour se manifester contre l'injustice, contre Biloko, sont admissibles. Inadmissibles, je voulais dire. Donc, ambassadeur, il y a Rwanda au Congo, à Kokende. Il doit partir. Parce que au fait, nous, on est rationnel. Nazo le bango toujours dans ma vidéo, nous sommes que les génocides rwandais existent et ça l'aimant. Mais tout le bango que le génocide rwandais est Zala qui pensait, mis en pratique par Barwandais, Nassau Rwandais, Barwandais, Babomani entre bango. Les Congos n'étaient pas impliqués dans le génocide du Rwanda. On accepte, on condamne ce génocide rwandais. Mais quand vous voyez Okeina Google partout, vous allez voir que les conflits congolais, les conflits les plus meurtriers, il y a monde après la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, on a un conflit au Balobi, un conflit le plus meurtrier dans le monde, mais la victime basati. Badega Zati. Bomona yango, conflit armé. Conflit armé, oyo, ba victime Bazati, Badega Zati. Ça, c'est la logique rwandaise, la logique de Félix. Un conflit au Balobi qui est bon, et bébissi et bomi batte belé dans le monde. Mais pour na bango balobi, oui, conflit na Congo ezali, mais conflit wana ebomi mututi. Conflit wana esali degate. Conflit wana Rwanda zati. Et tous allez quoi accepter que un fils du pays, un Congolais, bango moko baso bengaye mwana mboka a admettre ndoko ya boye. Et biso pe ba Congolais to vandi. Un groupe bazo beaucoup, un groupe bazo observé, comme si cela ne concernait pas Batou, Oyo bazo talaye, bazo beaucoup, ou bien bazo observé comme si Isaiah m'a sauté. Et ça est regrettable. Et peut-être que Toko, si ça va, parce qu'on avait deux points à l'ordre de séjour. Toyoki, opposition, dans le bac, on a vidéo Eleki. Opposition, Bakutani Soki na centre Nganda, pour la réforme, il y a élection. Il y a toujours, toujours le bac, au juste, je ne comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que bah politicien Nabisso, bon, d'abord le politicien Yamboka Nabisso, ce sont des gens Oyo à 8 mois 1000 dollars, 2000 dollars à 5-6 mois bah toi sombeli bango moi mungwa, moi savant. Moi quelque bah tu vas commis condamné et par la suite à commis opposant. Les opposants chez nous au Congo, c'est comme des pasteurs. Oyo basali kobotama chaque jour, essentiel que oye ba moi quelques versets bibliques, essentiel que ozala na mongongo ya koganga, okina wenze ya Pascal, osombi moi bizakazaka, moi mbonda, oluki moi sere moko oyo ba kriyaka malam, ba yebi ko sote koko ya kolongo la bilamba pendant un PV. Le lendemain, vous devenez pasteur, vous devenez prophète, archbishop, tout le monde vous suit. C'est de même avec les politiciens. Oyo, en réalité, la politique, yango baye bien moti. Des gens arrogants, orgueillés, du fait à moni quelques batou, moi, 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, bakomi kolandaye, a commis orgueillé. Vous êtes des gens, oyo, azan a besoin de contacter yo. Lui-même, elle-même, la personne, soi-disant politicien, Azan a besoin de Solanayo. Azali, soit ton ami sur les réseaux sociaux, a contacté Yoté. Il envoie Batunabango des gens des courses. Ah non, tel politicien, telle politicienne, à lobby, Azan a besoin de yo, contacter. Quel orgueil! Ngaï soye nazali na besoin de contacter yo. nazan na bezo nazan na masolo na solo na yo na kolokate étudiant ou étudiante na ngai lokela nga moto na contacté loba benga nazan na bezo na ye. J'ai eu des gens, bon, biso no bon maté parce que ce que tout benga ba politicien, il faut quand même er moko ba changer façon na bango de voir des choses. Bon, à moins que batu mususu bazo koko sa na kombo na bango. J'ai eu une demande d'une personne qui se fait passer comme proche de madame elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Madame Justine Kasavubu. C'est une dame que je connais par le média. C'est une fille aînée, je pense, de notre premier président. Elle a été ministre chez nous à l'époque de Kabila, je pense. Une personne soi-disant très proche de cette dame qui me contacte, Madame Justine Alobi, Azana a besoin solana yo contacté. Je dis à la personne, mais dit, écoutez, en tout cas, je connais, c'est une Congolaise. Mais pour le moment, nous avons manifesté besoin de mon côté pour que nous soyons particulièrement. Mais il y a ce qui a manifesté volonté pour Solana, qu'elle me contacte directement. Parce que dans cette lutte, dans la résistance, il faut faire très attention à la façon de communication et à Boué. Parce que bah, naïf, si moi je suis naïf, quelqu'un, oh, peut-être ce n'est pas Mme Kasavubu qui l'a envoyé, peut utiliser, parce que Bazali a mis dans les réseaux sociaux, parce que Kanga a eu quelques photos, cette personne peut utiliser photo wana, que cette dame, Mme Kasavubu, a besoin d'ailleurs, peut sa contact na yo, peut sa information na yo, peut sa localisation na yo. Mais en réalité, zali yem tatindi yete. Na résistance, soki yo zali leader, vous voulez contacter un citoyen. Oyo monike, ozana masola ko soana citoyen wana, contactez ye yo moko. Kotinda ba intermédiaire, tu sais. Parce que moi, il y a des gens qui me contactent. Combien sont venus au nom de Fayoulou? Monsieur Yombi, Pesali Soba Kamera, Nganazali, directeur à marketing à Fayoulou. Nganazali, directeur à presse à Fayoulou. Nganazali, boy à Fayoulou. Mais le jour où Monsieur Fayoulou lui-même m'a appelé, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui me contactaient au nom de Fayoulou. En réalité, ce n'était pas Fayoulou qui les envoyait. Mais ce Fayoulou avait besoin de parler avec moi. Il m'a contacté lui-même. Monsieur Honoré Mbanda avait besoin de parler avec moi. Il m'a contacté lui-même. Parce que Batouana, Monsieur Mbanda ou bien Fayoulou, ils savent que dans la résistance, Yaboye, quand vous utilisez ma périphétie, ma colite, vous vous donnez beaucoup d'importance pour le baké, non? Moi, je n'ai pas le temps de contacter Moutouana. Dit secrétaire, dit petit, Luka Moutouana, contactez Moutouana, Bengangaï, nous en avons besoin. Ah! Chef! Chef! Qui chef au pays fou et qui t'a gagné? Moi, quand vous venez avec Borgué, Yandengwana, je m'adresse à Madame Kasavubu, si réellement. Elle a envoyé une personne pour me contacter à son nom, qui est Nabengaye. Je ne le ferai jamais. Et cette façon de communiquer, Zali Malamouti, il faut changer. Il faut changer. Merci beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. Mais en tout cas, si réellement elle a envoyé cette personne à changer façon, Zali Nengwana était na résistance. Batou Oyo Bazali éveillé, Batou Oyo Bazali averti. Jamais n'a repris ces informations dans Haïti ou bien n'a repris sa moto dans tes poids et n'a repris ça. Jamais. Je ne le ferai jamais. Même si libération à Congo Yango, ils allaient juste dans contact au salon dans Haïti. Congo Yango, Vandaka, je ne le ferai jamais. Merci beaucoup. Voilà donc. Et le retour, il y a qui tout le bas pour aller l'eau. Et. Beau soutenaka bisoba tout aux ans, courage, parce que ce que nous faisons, je vous dis, il y a une information que je suis en train de vérifier, peut-être prochainement. Je soupçonne un groupe, quelqu'un qui m'a contacté pour la place Mokoboye, parce que cette personne, Azali congolaise, souci à Mbokanabiso, souci à Batonabiso, Bamokwege et tout le monde. Mais malheureusement, que vous contactez étrangère Moko, pour nous contacter Bissot et étrangère Wana, on soupçonne à quelqu'un vérifier, parce qu'il y a eu Bissoté, il y a eu Bingaïté, à quelqu'un vérifier, mais c'est Yombe Azalina, parce que Yombe Azali, bah Congolais. Et bah Congolais, Wana, bah Ebissier, parce que bah Congolais, bah Milouvoir. La diaspora. Bazaba Milouvor et ba Congolais ba ebisi mutuana. Ah non non non non non. Oyo ba ebisi o ki azali professeur, asala kaboya za lokuta azali cuisinier. Étranger wana au lieu que ne ko vérifier a vérifier te mbala moko a conclure que non non ba ebisi nga azali cuisinier. Na koya information parce que azali suspect coïncidence ya ndenge nini. Contact wana ereleki, je vois un Congolais qui me contacte. Azali docteur na mboka yango, Azali Milouvorte, ba Milouvor ba yebisi ke eh tozu information mutu moko ayeko tuna biso mutu ya mboko oyo ayeko tuna biso azali ka moko ifo asala avec les professeurs yombi est-ce que vous yebiez alors to yebisi mutu ana akosiyo aza professeur te azali cuisinier na mboka ya Corée alors yepe naïve Azali a vérifié te a contacté biso que non li kamtonto sala to tika yango parce que ba yebi singai ke ozali cuisinier. Voilà, comment est-ce que mboka na biso to ko développer yango na mensonge et ezali vraiment mawa mingi. Ezali mawa mingi et to continuer ka boye ba kinwa ba lobaka mbeli mbeli to ke nera mbeli mbeli ka boye. On va voir toujours la fin justifie les moyens. On avance comme ça. Alors, bana bazongi classe, na bamboka ebele, na France par exemple, na bamboka ebele, na diaspora na biso, na Congo na ebite soki bazongi, mutu na mutu a se préparé pour que bana bazonga protection ezala toujours. Mais ça m'étonne, le bac qui a mon vidéo et l'équipe, excusez-moi. Le bac qui a mon vidéo et l'équipe, le défenseur, il y a Béthude, il y a Félix, que Nambo Kanabiso, Béthude, Rosa Nangonini, Bato Batangé, Bélé, Bato Bango Bato Bébé Simboka, Ma plombe Bélé, Bato Docteur, Bato Professeur, Bango Bato Bébé Simboka. Mais, et comme si Namoni, Bato Milouvor, Bélé, Bato Tchèba Photo, Yaba, Nabango, Naba. Na ba réseaux sociaux ba na bango ba ke classe ah na tuna ki la fois passée botindi so ba na ba ke de classe pourquoi bino bolobi diplôme maison na tina te diplôme te moto bongisa mboka diplôme te moto sa mais bozotinda ba na ba ke de classe pour na nini kasi garder les enfants à la maison na banda tuna question chaque fois garder les enfants à la maison base de la chance c'est le pamba. Parce que Félix n'a pas étudié, il est maintenant président. Kabila n'a pas étudié, il est aussi président. Alors, gardez les enfants à la maison, qu'ils attendent aussi ces chances et le copain. Comme ça, ils deviendront président, ils deviendront ministre. Vous vous poumonez pourquoi Kosomba Bilokopona rentrée scolaire Yabana, Kotinda Bango Batanga, vous surveillez Bango Basala ba devoir, vous postez vos photos dans les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas de classe, et abandi classe. Abandi classe pour Nanini, avant d'aller dans Ndakou. Avant d'aller dans Ndakou, ako koma président, lokola Félix. Avant d'aller dans Ndakou, ako koma président, lokola Kabila. Avant d'aller dans Ndakou, ako koma vice-président, lokola Kabound. Voilà. Donc, Congolais, er moko ayebaka likambo azo salati. Et soki tozali kobima boye, tozali kobima te mpona intérêt personnel na biso, c'est pour l'intérêt général de notre pays. Toza na souci, mboka na biso depuis ezali Congo, ezali toujours na ba souffrance, na ba souffrance, na ba problème kolela, kolela. À un moment donné, il faut s'arrêter pour dire non. Mboko est souffrir makasi. Tout aider mboko yo ata moke. Tout aider peuple na biso ata moke. Ba se considérer comme ba humain ata moke. Moi, respect ezala. Mais les gens viennent ici exiger du respect juste pour na Félix. Famille, tu sais que du respect. Et na loba yango kala, je pense, ba mi nanga ba koko se souvenir. Vous allez remarquer que même la diaspora partout, les Français appellent Macron Macron. Et les Américains appellent Trump Trump. Au Canada, on appelle Trudeau Trudeau. En Corée, on appelle Moon Jae-in Moon Jae-in. Au Congo, Kabila, il faut l'appeler Kabila. Mbanda, par exemple, il faut l'appeler Mbanda. Fayoulou, il faut l'appeler Fayoulou. Yombi, il faut l'appeler Yombi. Mais Tshisekedi Wamulumba, attention! Papa Tshisekedi Wamulumba. Papa Tshisekedi Wamulumba. Les restes de papa, oh, Nyonso Batikali, bazala na mouvance kabiliste, bazala na opposition, bazala wapi, obengi banguna bakombo na bango, ça pose pas problème. Mais ce qui obengi Tshisekedi Wamulumba, Etienne Tshisekedi Wamulumba, obakisi papa Teli Liboso, Fatwa. Ba vyo nyonso ya kabeya kamwanga Air Force et ko matalikolo. Impoli. Ozo benga ye tiye na za kamarade na yo. Il faut ko benga ye papa et kien Tshisekedi Wamulumba. Respect bazali ko exige pour na Félix. Respect ezali réciproque. Président o yazali ko respecte peuple na yete. Président o azali ko sabote peuple na ye. Président o azali ko détourner mbongo na ye. Mbongo ya peuple na ye. Président o azali ko laver ba paya o ba kote bino na ndako ba bomi bino. Ba violer bino. Ba détruire mboka na bino. Wana ezali respect na peuple na ye te. Mboka o ye perdre bato. Na maladie te, na minduki, minduki ya bapaya, bakote bino babomi bino. Président a zui attentat mokete akende, ne fiske ko fuka maya pamba, na honneur, a honoré batwana. Mais président a zo ko sivole, bisika bakunda batwana nyonso de millions de morts. Akatisi na ngambo, ake ko fuka ma na bamor ya bapaya. Bapaya oyo bakongole bato babomi te, bapaya oyo babomani entre bango, ce que nous condamnons. Mais bato oyo babomi bakongole bandeko na yo, soi-disant ozali mwana mboka, ozali kongole. Bato babomi bango, bango nde yo ozokende na ba cimetière na bango, na ba musée na bango, okende kofukama, okende kotia ba fleur. Wana ezali insulte pour un peuple. Ah, bah, Facebook na zota la bino pe na mingi te, hein? Ya mona zolo ba boya na YouTube, bino pe te ti awa. Donc, wane zali insulte la population na yo. Alors, pourquoi voulez-vous que le peuple vous rende du respect au moment où vous ne respectez pas ce peuple? Mais le voir mo kwa ye langa ya lobby, Oyo professeur Nini azo finga président na lobakango explique na lemba ko expliquer que signifie idiot. J'utilise le mot idiot, c'est qualificatif d'idiot comme pédagogue. Je suis pédagogue. Na utilisaka idiot ndenge pédagogie la kisangaye. Na rapport na ngai na bandai ko koma mo wana soki na kutai na mwana o azali lokola Félix. Na bandai ko koma mwana yo rapport na ye annuel vraiment c'est un idiot. Condamner la pédagogie, Pourquoi ils permettent que les enseignants rendent ces rapports à l'étudiant Oyo Bazali, Ndengwana, comme qualificatif, il y a idiot. Beaucoup d'années gâtées. Et le respect de Naoutikoloba. Naïebisi Milouvor Oyo, il semblait être un peu civilisé. Bango a toujours Ndengwana. Civilisé. Ndengwana. Par la suite, Nzokande Azala qui pilote Yakabeyaka Air Force. Naïebisi, mais un président Oazali Kofinga, peuple Naïe, Nalakata. Wana Zali respect. Si le peuple wana il faut bazong seleni respect bien bazong seleni. Comme vous le savez, ba milouvor bango ba wanga na katou. Alors jamais Félix a tika ko lande ngwana te. Na zu vidéo na YouTube Félix à Londres na tindeli. Atali a lobi non ba nyangala kata o a bengre ba nyangala kata ezali ba toi FCC. Ah, moi je dis écoutez, na FCC kuna ba Congolais pe bazali. Peuple pe ezali parce que le peuple ezali kaka ba toi identité. Le peuple les alliés batonio sont bata FCCP, peuple baza peuple wana ya Congo. Alors le président doit respecter tout le monde. Ils à la opposant, ils à la banane, il faut respecter bango. Alors toi qui acceptes que le président appelle bata FCC Banyangalakata, et pourtant na Londres Félix n'a pas dit Nyangalakata na bata FCC, il a dit Nyangalakata na biso biso. FCC alors qui baza ma partenaire na ya okabana bangote. Et les mouvements comme vous le savez. Après, aye komona ba vidéo, ba mot, comme vous voyez, ba slogan na bango, longwa kuna aîné, longwa kuna tribaliste, longwa kuna jaloux. Ba yaka jamais na argument. Jamais na argument, ba yaka na ngote. Et, to lo bakango toujours, na lo bango toujours, c'est que ba frère Oyo, il faut qu'on s'analyse. On est observateur. Hein? Natangi Saka, naza observateur. Je suis cultivé. Ce qui n'a moni batu, un groupe de gens, bangonyo so bazali ko réagir ndenge moko, comportement ndenge moko. Mais il faut qu'on s'analyse pourquoi batu bazo se comporter boye. Na pesa bien exemple comment on a découvert les cafés. Les cafés a été découvert comme ça. Ba berger ba zo ba meme na bango ba ntaba ba zo na zamba chaque fois ba meme na ba ntaba na soki ba le ba mbuma wana matiti wana ya café ezalaki na ba zamba kaka boye ba meme soki ba le ba mbuma wana ya café matiti wana ya café ba meme ba koma ki ko sauter sauter comme un mouton ba zo sauter mais par la suite ba tout oyo bazali quand même averti comme biso ba ke ko vanda ba observer mais pourquoi Banyama oso e balé matiti moussous comportement ezalaka calme? Mais ceux qui balé mbouma oyo, matiti oyo, baza toujours agité ko bunda entre bango, ko sauter, sauter, pamba, pamba. Baye ko remarqué que matiti wana kati ezalaki na caféine makasi, ezalo kola ko troublé bango mwa bongo mouke, yango bako baka troublé comme ça. Alors, je me suis dit, bandeko oyo, nyonso soki omoni moto o aza contre yo mpona Félix so otali bien tobomanaka bavérité te c'est ça la réalité ya mboka na biso soki otali bato wana bakombo na bango ndenge moko okomona Tshibwabwa Tshilomba Ntumba Ilunga Kasonda Kabeya donc c'est toujours bakombo ndenge moko toboyi te. La province ne va pas comme au pays qu'on a. Na bandou, par exemple, chez nous, il y a des Kasongo. Bakasongo Bazali. Bailunga Bazali. Mais, Bakasongo, Bailunga, wana o Bazali, na province, na comportement, na bangweza ndenge maote. Alors, na yek observe, mais, bande konyo so bazo attaque biso. Pourquoi? Parce que te lobby élection, l'écrit malamouté. Loi élection, l'obi nini. Soit élection et salami, il faut bah afficher bah résultat bureau par bureau. Mais bah salé yango, est-ce que bah violer loi? Oui, bah violer loi. Tolobé yango. Mbongo ezo bunga kuna na présidence na mboka na biso. Oui ou non? Oui. Mais batu oyo bazo s'attaquer na biso pourquoi? Masani balalise. Mais bazali ba yimé. Tozali batu, tozali ba congolais, tozali ndenge moko biso nyonso. On est congolais. On est frères et sœurs. Mais pourquoi ces gens se comportent comme ça? Comment Bazo se distinguer dans le comportement général des Congolais? J'ai constaté que nos frères, Bazali n'arrêtent pas Moko Obaliaka Mingi Bangonios. Dans sa balalise, j'ai remarqué que ah, ces frères ici, Baliaka Mingi, la viande, il y a mbwa, il y a savane. Parce que bambwa baza ba sort ebele, hein. Bambwa ya Zamba, bambwa ya Afrique centrale, bambwa ya ba savane ya Afrique centrale, ba kese ni bambwa. Alors, bandeko oyo baliaka mingi bambwa ya savane mingi mingi na omoni kuna ba plateau kuna ya hein, ya Kasai kuna. J'ai compris que Ezali, viande oyo baliaka mingi bango nyonso, yango moutou e tchaka bango na trouble. Na mene na continue banquete na ngaye. Bango moko baye ko revele secret. Bino moko bomona video ya mama Mwanza. Na 10e rue du Mété à Kinshasa. Monsieur Kabuya s'est fâché contre l'UDPS. C'est lui qui drogue Batouana et UDPS. Asiliki, il est rentré dans Katiandak derrière ses permanences de l'UDPS. Apandi Nzungu Yamboa. Nzungu Yasupamboa, Apandi Yambo. Cette maman s'appelle Mwanza. Cette maman a yaki na vidéo, tout le monde l'a suivi. Et elle a dit, Kabuya lui-même a dit, Batu oyo nyonso, ce qui ba lemboa et trouble kabango, yango bazo ke sala ba désordre. Parce que Kabuya croyait que ba désordre oyo, batu a IDPS, bazo sala po ba longolaye. Aye ko bimisa ba vérité. Alors, ngai siko bozo kondanenga na kuruze. Pourquoi? Parce que la réalité là, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Kabuya qui a dit ça. C'est Mama Mwanza qui a dit ça. Elle a montré ma casserole yamboa, ma marmite yamboa, que Kabuya a jeté par terre. Mama Mwanza et Kabuya ont dit que bamboa oyo soki balé yango yango et pesaka bango mutu ba sauter comme des moutons, comme des moutons. Yepe chef na bango et ko sali sa ba pon na pa pesa yango kombo saute mouton. Donc ko sauter le mouton. Mabe ezali wapi? Nga nasali nini? On ne blague pas. Soki tozali koya koloba makambo, le fond ya problème ezali sérieux. Na mboka na biso si y a un parlement responsable, il faut interdire que ces gens, bandeko na biso oyo, il faut interdire la viande ya mbwa ya savane. Il faut interdire ça, il faut une loi qui interdit la viande yamboya ya savane. Ce qui va l'été, bazali calme. Au Roman à Bango, très calme, on dirait Moutazo médité. Mais pesa kaka soupe yamboya, yamilou, mawa, saute mouton. Saute mouton. Alors, si ko yombo kanabiso to tika, batou. Oyo ba détruire yango ou bien to sauver mboka na biso. Le problème des milices, to lobaki yango awa, to lobi ba milice bazali. Moi, j'ai dit na ba vidéo, bandeko oyo, parce que na Congo na biso pe, culture toza nango, je ne m'adresse pas seulement à ces gens, ces frères qui s'opposent à nous. Je m'adresse aussi na bandeko msusu o tozali na bango na résistance oyo. Congolais, culture la Congolais, Congolais, andima Congolais. Congolais ndima Congolais te. O sale loka malamu. O sale loka malamu te Congolais ko ndima yo jamais. Wane zali culture ya ba Congolais na aden na biso. Moi, j'ai dit na video awa que Félix a fait venir na Kinshasa 2000 frères du Kasai. 2000. Lelo bozoma na ba milice na ba Kingabwa. Lelo bozoma na ba milice na Brazza. Lelo bozoma na ba milice na Katanga. batwana nyonso ba wuti kasai. Mais Congolais soit à la kamoto kon di mabiso lelo akolobake oui ce monsieur là alobaki yango. Mais c'est wana alobaki yango. Congolais na olobango te na lobela ye pona fula ye na lobela ye te. Na oloba yango te poso bike ye muta alobaki yango na zo fula ye. Je vous avais dit lelo ba ministre na bazali tozo mona ke un président de la République soi-disant élu. Mais pourquoi vous avez besoin de milices? Vous avez besoin de milices, pourquoi? Je vous avais dit que le mort, la présidence, chaque jour, on comptait 2, 3, 4 na présidence Bakoufi. 2, 3, 4 na présidence Bakoufi. 2, 3, 4 na présidence Bakoufi. Na bimaka na vidéo pour vous dire que c'est Caméré. Kabila utilise Caméré pour empoisonner les conseillers de Félix. Et ce n'est pas n'importe quel conseiller de Félix. Batou Bakoufa qui est là qui batou ya cercle. Soit famille Félix, soit na cercle ya Félix. Or, na présidence qu'on a batou, il ne sait ya Caméré Bazali. Est-ce que vous moni batwa yon se kamere na président Bakoufa? Ils ont dit corona. Donc corona wane pona yi kaka batu ya Félix, cercle ya Félix, et kaka batu batala ki na moi bongo, de raisonner un peu. Ba mostene Moulumba, ba Monsieur Ilunga, les gens qui pouvaient donner quelques petits conseils à Félix, kamere les a éliminés. Je vous ai demandé, Banda Kamera Kota na prison, depuis qu'il est en prison, il y a combien de morts à la présidence? Mais les corona continuent toujours de tuer des gens dans le monde. Vous avez dit, Batwana Koufa na présidence, Bazala ki Koufa pour la corona. Moi, je vous ai dit, ce n'est pas corona, c'est Kamera qui les empoisonne. Je vous ai dit, des gens comme David Chimanga, il y a la chance. Il fallait, il faut aller à la Kabasoso. Parce que poison est la mère et les cailles boye. Batoubabima qui ne sait pas vrai, la corona, explication, explication. Mais le jour même qu'on a arrêté Kamera qui est en prison à Makala, à mort pour la présidence, est stoppé. C'est fini. Corona, ils allaient bien éduquer. Hein? Donc, Corona, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait un télécommande quelque part. Bazokoufa, Bazokoufa, Bazokoufa, Kamera est en prison. Bah, fini bouton. Corona et Yokeli, télécommande, wana, bah, mort sous Bazati. Congolais. Et pourtant, na bamboka, ils allaient bien organisé. Bato, ils allaient bien civilisé. Bah, kambiso, tozo loba. Il faut qu'on lande la yango. Nous, on ne vient pas na ba live boy pour faire des aventures. Tous allés na biloko e belé ya kosala. Tous allés na makambo e belé ya kosala. Mais on s'est dit à un moment donné, on prend une heure. To yoki information. Batou oyo bazali kopé sa biso crédit de confiance. Bazali. Batou mousou bazali na mounioro lokuna na présidence. Mais qui se disent, non, monsieur, yomi makambo bolobaka pona mboka na biso, ezali véridique, ezali vrai, voilà l'information, moussous, voilà l'information, moussous. Akoyi koloba, peut-être pour na pasi, na vandaki na diaspora, kuna moussale ezate, na zo soukoula li bembe, moussale ezate, tika na vanda na présidence, na zwa kamwa kwanga nangaye. Mais voici les informations, ce qui se passe, na zo pesa mbo kredite, na zo sepela na ngote. Mais je suis obligé de rester là parce que ce qui est dans la diaspora, c'est que nous sommes là. Mais c'est Yombi, tu as l'information. Mais c'est Yombi, voilà, dans le moment où Félix a joué ça là-bas. Dans le moment où Félix a lobby boy. Dans le moment où voilà ce qui se passe. Mais quand on vient aux Oyebi Savande Konabiso, voilà. Au lieu, tout comme Batou est belé, tout l'oba, il faut parler. Les Congolais n'est pas violent. Congolais d'habitude, na culture na ye, le Congolais n'est pas violent. Congolais, ce qui moi masanga na ye ezali, moi musique na ye ezali, c'est fini pour les Congolais. Et puis basi, c'est tout pour les Congolais. Moi violence moqué, tout ça n'ango moqué, moi violence. Dans ma pourcentage, j'ai moqué, na terme y a population nyonso. Ezali bande ko na biso bazali ko komisa Félix. Ils sont violents, tout le monde connaît. Loi na ye, soke balingi bango e lokwane salema. Ye azali sikawana, soit ondima, soit au subir violence. Et c'est comme ça, par cette violence, que Étienne Tshisekedi est resté président de l'UDPS, jusqu'à ce que l'UDPS qui était national, l'UDPS est resté parti familial, tribal. C'est à cause de cette violence. Bangonde bak bazali violent. Alors, ce qui tozali koloba, koloba, koloba, peut-être un jour, yé soro loba no bato ba lobi mingi, ba leli mingi, na yoke la bango mawa, tikana chanle, tikana senga satana, alongo la Kabila, alongo la Félix. Il faut pas koza la ouvani nanda ku yo moko zo observe, koko misabiso kaka naba inbox, yo vani ndeko yo ko défendre mboka ndenge nini mukolo mususu parce que la mort c'est pour tout le monde hein, ça peut arriver à tout moment. Si ça arrivait qu'aujourd'hui au Kofi lelo au Kofi. S'il y a une vie après la mort. Vous allez vous poser la question, on vous posera une question, qu'avez-vous fait pour votre pays? Vos frères, vos sœurs ont été massacrés au Salaki Moussalanini. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien, je ne faisais que boire, je ne faisais que danser, et c'est tout. Voilà. Namukilio yaponani. Alors, vous n'êtes pas congolais. Vous allez congolais. Tout congolais doit défendre le Congo. De gens comme le docteur Mukwege, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Oyo batunyo so bazo kumisa Félix. Bake kokutana kosangana avec le Rwanda pour menacer le docteur Mukwege. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? On menace Mukwege parce que Mukwege répare le femme. Or, protéger une femme, c'est protéger l'humanité. Donc, les femmes congolaises qui sont détruites par nos ennemis, Mukwege cherche à le réparer. Mais comme Bango Balingi ba boma Congo, Congo est boma, c'est comme ça qu'il faut détruire le pays. Alors Mukwege vient tenter de restaurer un peu ce qui est détruit. Alors il faut l'éliminer d'abord. Mais vous voyez le monde. La ville de Bruxelles a dédié tout un mois pour le docteur Mukwege pour que l'ONU protège ces citoyens de l'humanité. En Australie, en Corée, partout, tout le monde demande que Mukwege soit protégé parce que les officiels rwandais officiellement le menacent. Sauf par miracle au Congo. Sauf par miracle. Au Congo, son propre pays. Alors, on est où là? Voilà, mes chers amis. Merci. Vous êtes de milliers sur YouTube. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais mieux voir, vous êtes plus de 1000 là. Et si on pouvait voir aussi plus de 800, 900 partages. Et vous allez parler, moi. Et aux amalam pour que malo batozali koloba batonyo soba zoyango batonyo soba yokayango et voilà et nakoyi ko sili sa live ya leloté sans féliciter notre frère Fabien Kuswanika ouais ou tiko ko publié album naye le peuple gagne toujours ezali facile te semble-t-il bato basala ka album ba musicien baloba kango c'est pas facile. Lui qui n'est pas musicien, mais en tout cas, n'a pas moyen de bord na yemoko. Ayeko bimisa album wana, ezali album o ifuto partage yango. J'aimerais mieux aussi, peut-être parce qu'on a un petit souci technique, tocha générique ya nzembo moko, tocha yango na générique na biso. Bam mataba ki ta peuple la gagnera toujours. Je sais, il y aura ce peuple-là, quelques citoyens qui tomberont dans Nzela. Il y a des gens qui vont tomber dans le parcours. C'est ça le parcours des résistants. C'est ça le parcours des gens qui veulent changer la société. Il y a toujours des victimes. On n'en peut rien. Alors, ceux qui tombent au parcours, bon, merci à l'élite. Et les restes, on continue. On continue jusqu'à la libération finale. Voilà. Donc, on ne se décourage pas parce que ces gens-là viennent avec des stratégies de vous décourager. Parce que quand vous parlez, il y a des tournements au pays et ils viennent avec des arguments jaloux, haineux. Mais il y a des tournements. L'argent du trésor public, Ezaliko Bima chaque minute. Batou Bazaliko Koufa chaque seconde. Ce que le lobby Batou Bakoufi, Bango Baye, jaloux. Au juste, est-ce que Batona Bazo Koufa Bandeko? Baza ba kombete. Franchement, vous voulez que tout le monde va disparaître. Botikalika Bino, Tribi Moko. Na président Nabino Félix, na frère Nabino Kabila. Na ba voisin Nabino fiable. Le Rwanda. Donc que tous les Congolais disparaissent, Botikalika Bino Moko. C'est ça le pays où vous dirigez pendant 100 ans? Non, vous avez besoin de Batou. Et Batou na bango bazali massacré chaque jour. Ils sont tués chaque jour, violés. Les innocents enfants de l'école primaire, bazali, bazali nini. Bazali nini. Donc, vous partagez live. Ba live na biso boka plaka moto a ébité bo pessier a landi ce qui commentait les ali ou bien quelque chose peut-être qui n'est pas exact on est disposé ouvert venez nous voir na bargiman na chat boyé que non et loko boyo lobi c'est pas vrai na yebela ngona ndenge ya boyé to koya na argument na biso bo lobi eza to comme na période ya pièce contre pièce. Mais biso bozo déposer ma pièce. Bino lebo ya na contre-pièce, bino bozo ya na ene, jaloux, tribaliste, mouyaka. Alors, mbokango bolingi boye vraiment. 37 ans ya escroquerie. 37 ans. Vraiment. Ce qui nzambe, na lobango toujours, nzambe ya pesinga pouvoir peut-être. Il y a qu'on résiste, mais nous sommes koufa. Tout le bakara monde y a politique dans le monde. Le monde y a politique, nous sommes le biba, nous sommes koufa, nous sommes le pouvoir de la Moustabako. Je vais demander à Dieu, à la Mousselanga, juste pendant une minute, et tu as un petit secret de la Moulumba, dans Laurent Désiré Kabila. À la Moussabango, na beta bango, fimbu après bazonga na liwa place bazalaki. Parce que ce sont deux escrocs. Oyo mutu na mutu ayaki na formule na ye ya ku escroquer peuple. Il semble que prof alo maraboyete. Ah. Mais prof alo randege nini. Ba prof na biso yo na Congo. Lelo soki batu bakoma ba prof ya Congo, ba prof ya Congo. C'est parce que c'est professeur. Rendement na bango eza malamu te. Na lobaki yango na video eleki me bazo tcha biso kaka na libulu moko ba prof ko. Non, ngai nazali professeur ya Congo te. Nazali professeur congolais. Nazo senga na batu oyo parce que bango pe bayoka na te. Omoni ya saute mouton ko sauter wana soki balé, bazo sauter. Ba oyoke lo kote. Ata olo. C'est comme si batu moko faculté ya raisonnement bazala na ngo te. Na ko franchement na comprendre na bango te. Franchement, franchement, je vous dis, na zwa nanote ke mutu moko azo komisa Félix posé ayena argument bosololi bien incident exacte, bokabwani soit na compromis, ou bien boyokanite, ce n'est que normal, motuna argument na ye, na zoanante. Tout le monde au bazali koya ezala yo ka se présenter que non nazali membre ya directoire ya IDPS nazali boy nazali boy tout le monde raisonnement na bango lokola yokason raisonnement na bango lokola fils mokoko raisonnement na bango lokola kabund kabuya lokola Phoenix Monsieur Bobo, Ozali Kotuna Bobo Brigitte, je pense, c'est pas monsieur, madame, je pense, Bobo Brigitte, Ozuta, Kagame a koufi ou bien a koufité. Kagame, je ne sais pas, je ne peux pas kolobaki a koufi ou bien a koufité. Mais ce qui est vrai que na sololi na batunangai na niveau ya Rwanda, oyo bazali na ba niveau ya likolo kuna na Rwanda, na tangi sabango. Ce qui est vrai, Ezali ke azomona na te. Ezala bango moko na kati kuna azomona yete. Mais na utai koloba peut-être Bobo Brigitte oyé na katikati ya vidéo na biso na lobai ke Paul Kagame a joué stratégie ya président ya Corée du Nord. Président ya Corée du Nord ce qui a vandi alingi akanga acha mitamba okanga ba bato oyo balingi yete il disparaît abungaka il disparaît. Ce qui a disparaître ba rimer bango moko ba lancer ba rumeur que non président akufi ou bien président azobela azali sérieusement malade na koma na hôpital. Alors batunyo so balinga kayete ba ko bouger dans le sens que bon lokola azobela na koma linga kufa biso to se préparer to zo pouvoir et wana ba koya okanga kanga bango ba koboma bango. C'est comme ça la Corée du Nord travaille. Petit wana Corée du Nord c'est comme ça il travaille, il disparaît juste pour motiver bato o bazana intention ya mabe contre yé. Alors, ba service na ye ba lansaka toujours ba information wana. Non, il est na koma, ninga kufa, boye boye, comme ça, ba zotala. Et le Rwandais Paul Kagame, mikolo ba ne oyo abanda ko zwa deja ba stratégie wana. Alors, quand vous voyez Kagame disparaître comme ça, par la suite, boko mona ba arrestation ebele na Rwanda, ba assassinat ebele na Rwanda. Bonatour Oyo, vous remarquez que l'opposant qui travaillait dans le niveau ya Sud Kuna, à Salah groupe na yé rebelle, et Rayoki que non, Paul Kagame azan na koma, azobela, yé aye ko bouge na sans sa contacter Batumusoso Bazali na Kigali, comme est-ce que tu lancé opération tous à pouvoir. Nzokande ezalaki mutambu bachaki pour que ba se manifester, ba se localiser, ba kende okanga bango. Il a été arrêté hier, boyoka kokufa ba bomaye. Donc pona biso koloba ke akufi bi akufite, tozali na information penza te, mais ce qui est vrai aza malade. Ce qui est vrai azali malade. Alors, la question maintenant qu'on doit se poser, akufi bi akufite. Et nakoyebisa yo ke pona ngai avi nanga personnel na lingite Paul Kagame makufa parce que Paul Kagame mabe eleki bele na Congo il doit s'expliquer. Paul Kagame c'est quelqu'un qui doit être arrêté et expliqué sur makambo nyoso basala na Congo. Alors imaginez-vous Paul Kagame le makufi akokufa na bonere na ye wana nyoso a se justifier te pour le massacre ya ba congolais na mboka na biso. Na le repère sa biso explication wana. Vous comprenez? Donc ezali ndenge wana. Voilà, merci na bandai déjà na ko conclure mais question ayé ya ndeko na biso Bobo Brigitte. Voilà la réponse. Et puis, to silisi sikoyo, place wana. Merci, Mingi. Lobela likamba Gabriel Mokiana, Benjira, Bayaka. Non, to loba ki am deja trobi, batuba lobi, bele, bele. Donc, on ne va pas s'éterniser na likamba wana. Ce qui est vrai que Gabriel Mokia ateyami. Parce que, Bayaka, batuba ye barate que Bayaka ont défendu le Congo. Batuba bunda contre Mindele na Kinshasa ezali bayaka bazali ba guerrier bon ba rapé mokete tout tanga ka moké pardon esa histoire ya mboka na biso Congo wana Kinshasa na bozomona bato ba bunda pona ko protéger Congo wana ezali bayaka bien qu'après ba traître bayaki okota na kati ya ba traître na ba utaki na milia bayaka te alors mais sala ebele salema chemin de fer Kinshasa matadi bayaka Bato bayaka te bato ebele par exemple Delvaux oyebi quartier babenga na Kinshasa Delvaux moto nazalaki na moyaka te et pourquoi boyebi bapesa quartier na Delvaux musala ni Delvaux asalaka wenze bayaka boyebi histoire nango donc bayaka bazali ba guerrier mokia azalaki endu ya nerere Oui, mais batu oyo, batu a Félix, msala na banko luka ba faible. Ce qui ba luki ba faible, ba ke ba inculke ye, makambu loba, loko ba perroke. Et vous avez suivi, ko finga moki aloba ki bayaka. Aloba ki ango, ye moko te, moutu azala ki pembe na ye, tout le monde ako yuko yoka ke, moutu a telemi pembe na ye azo dikte, loba boy, loba boy, loba boy, loba boy. Ezate loko la ngay inde na vandi awa, makambu na zo lo bezo utana mutu na ngay. Mais seke moke a di, yave kelken mungongo pe zo yo kanake mutu a zo yebisa ye loba boy, loba boy. Alors, les gens, merci beaucoup pour autuni question. Les gens me disent, mais yo pe o lobe la kaba loba. Ecoute, bayaka ba finga mi pamba. Bayaka ba finga mi pamba. Bayaka ba tana pouvoir te. Bayaka ba tira gozoa présidence te. Bayaka basala kamusala na bangwa maboko, bayaka bapusa kapusu, bayaka basala kamisala nyoswe monani. Muyaka soa tangi, ake kelke para, azwi musala na ye, akosala musala na ye na imilite nyos. Bomoni na president na prosye kamere, bomoni comptable d'état na présidence, comptable na présidence, muyaka. Bomoni niveau ya comportement ya bayaka. Mutuwana na présidence, ou aza kontan na présidence. Na quartier na ye sika vandi. Batou ba ye bite ke mouton na salaka na présidence. Za kontan na présidence. Dans le silence total, batou ba ye bagate ba mouna ka mouton moka abimaga na voiture na ye, azonga ka na pokwa. Tapage mokote, garde corps mokote li boswa ndakou na ye. Ba yaka ba vanda kandengwa. Mais o ye bi, ba milouvor. Milouvor azo ata mwa posta pa mbata secrétaire ya école. Bakanzaka. Bakanzaka. Ti na katye na ye bako ye bake ye aza secrétaire ya école. Bayaka baza bongote. Donc je disais que bayaka baza na présidence te. Bayaka bazo dirige te. Donc kofinga ma bayaka ba finga mi e pa mokia ezali kofinga ma moko gratuit. Ezali benjir moko gratuit. Mais nous, quand on parle, moi, Naloba Nouté, je n'engage personne. Moi, quand je parle de Baluba, Naouti Kolobango Awa, Batounion Soyo Bazali ko supporte Félix Nabuzoba. Ba détournement Ezali. Bango Bakoya détournement Ezati. Moutoazo Nyon Kola Félix Zakabila. Bango Bazo attaque Bisso. Gouvernement ya Félix, c'est-à-dire, ti Félix Agosi Samananaye. Opposition exalatée, critique exalatée, mabesso exali kolobate, garder silence kanga noa. Mais, bazali kolobabango moko bazali ba démocrate, Félix Aouti et pas Etienne Tshisekedi, Etienne Tshisekedi azali père de la démocratie. Mais ça, c'est quelle démocratie? Ça, c'est quel état de droit? Batou, opposition exalatée, batou ba critique te, mabesso exali ba lobelate. Et so otali batwana nyoso oyo bazali ko atake na ndengwana, bangone so otali, ce sont nos frères yakasai. C'est vrai! Kobo ya yango ozali hypocrite. Oya kobo yango azali hypocrite. C'est vrai! Et même, so ki botali, ba fausses élections yango, oyo fausses élections, so ki botali bien. Les Kassai a voté seulement Félix. Les Kassai, nos frères Luba, ont voté Félix. Mais Nabandundo, vous avez vu, Félix a été voté, Fayoulou a été voté, Kamer a été voté. Donc, les Bandundu pour Nabango, juste on voit peut-être, Moutou Oyakoyoko Salam Moussalam, Moussalam, va voter. Mais les Kassai, qui pas quitté que non, Moutou les Kassai, c'est moi net. Ils ont voté Félix. Sotali, na Équateur, ils ont voté tout le monde. Sokotali na Kivu, na Grand Kivu, ils ont voté tout le monde. Sokotali na Province Orientale, ils ont voté tout le monde. Sokotali na Katanga, ils ont voté tout le monde. Sauf au Kasaï, Sokotali, je pense 90%, ils ont voté Félix. Pourquoi? Tribalisme. Et puis, Batubakoya, na Congo, tribalisme, zate, na Congo, tozali liboke moko, tozali mutumoko, ba obazolo ke tribalisme, zali bazali kokosa. Mais le fait sur le terrain, ezomonana, le fait, ezali komonana, que ses frères bazali ba tribaliste. Bozo ya Félix. Tala tribalisme, niveau nango. Natangu Kabila zalaki na signature. Parce que Kabila est toujours président, mais signature après si Yambongo, après si Félix. Moïse Togizenga Zala qui est premier ministre. Bissot, tout ça, les cas, comment on a la vidéo. Non, la vidéo était à cette époque-là, comment on a la poste. J'ai commencé à m'opposer à Gizenga Banda ou ta qui retourne na Russie. Tilelo. Je m'oppose à Moïse Tilelo. Parce que Batouana va pécer force na Kabila. Mais dans le Benakango, chaque fois, mon ami qui a posé cette question, Gizenga, Azali na famille, moi si nanga, moi si on a boti yebana. Mama ya bana nangai, Azali na famille biologique de Gizenga. Oye ba yebi leta ba yebi. Mais na tika lo ba teke parce que Gizenga zali moto bandundu, parce que Gizenga zali bokilo na ngai, tika na supporter ye. Non, parce que moi je vis le Congo, na moni famille na ngate, na moni ba bokilo na bo parents na ngate, na moni le Congo, parce que Gizenga a ye ko pesa poids na moto o ayaki na mboka na biso na ba bot. Na ba bot ya mbula, lelo akoma ko maltraiter Congolais. Ba premier ministre Moussoussou Er Baleki, tout le monde, au Rwanda, battu Équateur, battu ya Kivu, battu ya Katanga, battu ya province orientale, battu ya Bas-Congo, tout le monde. Et la ministre Nzali Mouta Bas-Congo, né Congo, soit à Monique et les Kamouane, les autres salamala Mouté, à quoi supporter na 100%, te bangonio son amoulongo boy. Y a les né Congo qui sont contre né Mouta. Il y a les nés Congo qui sont contre M. Mvuemba. Dans les Bandundu, la même chose. Mais tu as le pourcentage y a Batu Obazali contre Félix. Autant Bango na Moussapi. Batu Kassai, Obaza contre Félix, na Moussapi. Tous les Kassai, moi, il faut que supporter même na Bouzoba. C'est ce que nous condamnons chez nous. Ba Odus Obazali, que le Bamakamane Zaké Baza, ba hypocrite. Ce sont des flatteurs. Moussala la bango na koloba boyete, ti kana vanda kalm peut-être Félix a robenga nga apesa nga ma poste. Yango zo mona na ba journaliste e belé ba vandi kona na Belgique. Ba flatter. Avandi a lobi non, élection salami ma be toko lité pour que élection ezonga, résultat ba proclamé ma kamunyo so Félix a confisqué pouvoir na Kabila. Bande kona biso a milvo ba pousseye, a monike non, a rejoint poste, a changé position, a commis mon président. Ton président, mais qu'est-ce que tu as dit? C'est-à-dire que bazan la stabilité t'es, na bongo stabilité exacte. Tellement réfugié, va balancer moi 500 euros, il change de position. Non. Donc, il y a qu'à fingami gratuitement, mais moi, quand je parle de Louba, t'as là bien à les réseaux sociaux, tout la plupart, n'a pas le même 90%. Il y a tout au bazar qui supporte Félix Nabuzoba, par contre, la banque est en dégâts. Bah, Chiboua, Chilomba, Ntumba, Ilunga, Kazadi, ba kombo na bango yangwana. Alors, to conclure ndenini. Tout ça pas hypocrite. Nous avons un problème sérieux chez nos pays et il faut tout lobela yango pour que échanger. Nde quoi poser question au pourquoi tout lobela lobela bande konabiso baloba. Tala na présidence. Félix a eu la présidence avec 600 personnes. Na 600 personnes on a plus de 500 loba. Pays na biso na ba province combien? Tok na na structure yakala 11 provinces, même structure yasiko 26 provinces. Yo, ce qui yé sur 600 personnes, yé na ba na présidence. 500 bande konayo ya tribu moko luba, ya province moko 500. Wana ezali tribalisme te? Vraiment beaucoup ezali malamu na comportement ya ndenge wana. Ce qui lobby bazo benga yo, bango basali acte ya tribalisme. Bazo benga yo tribaliste parce que au dénoncer tribalisme, on t'appelle tribaliste. Mouka yifo etambo la bombo, ndeko. Ta la ba nomination nyon so Félix Assali. Oko remarke ke la plupart, il donne priorité na tribi na ye. Tozali bana ya mboka moko, tozali lokola na famille moko, yo papa, parent, ozali ko somba kado zo pesa kaka mwana moko. Kado zo pesa kaka mwana moko. Est-ce que zo kreye konflite na bana mususu? Bana wana wa adopte bango, te memo adopte bango. Yo ozali papa. So sombi kado, sombe na bana nyoso. So sombi kado, omoni ke mbongo kokite. Opesi na mwana moko. Explique, bana mususu boze la, tu resima soye na zui mbongo na ko sombe na bino. Me bana soye bazali bana mike. Attention, parce que bah, on comprendre te. Somba kado pour na mwana nyos, so ki mbongo koki te vandanam. Mbongo soye koki o sombi une fois pour toutes. Lelo zo tinda classe mwana moko. Kado mwana kaka yewana. Biloko nyoso mwana kaka yewana. Ba sorti na yo zo bima kaka mwana yewana moko. Bana na soye si mabatika li yo papa o zate. Bako sani, bako bunda. Yango zo mwana ko bunda na biso. Félix a zo pesa privilège na tribi na ye na baluba. Alors, ce qui est coutani entre Bissobana, Moyombe, Mouchouaili, Mouchi, Mungala, ce qui est coutani, Nandeko Oazale Mouluba, climat de Zalamalam, tu vas nous favoriser Kagayo. Et ça, c'est un bon côté. La présidence, c'est une institution, c'est un lien à Moutoumoko, c'est un bisous. Les lots sont des gens qui ont 600 ans. Mais Azoua, 600 divisé par 26 provinces. A voici ça divisé par 26 et a poni ba conseiller na ye par rapport ya ba province wana ou bien soki ba province mso eleki monene a kende na proportion ya popularité ya ba tout population tribu o yo province o bazali ebele ba kozwa par exemple 20% province o yo kozwa 10% o yo ba kozwa 12% on nomme batu selon ba province wana. Mutu moko ya ko lobela te ke nepotisme on nomme bande kona yo kaka tribu moko o eza tribalisme a ko lobate parce que boko yana ba fait. Ozo lobake Félix a nomme kaka bande ko lokuta. Tala liste sur les 600. Tala province boye population ezali boye. Félix a nomme 20% na bango. Tala oyo province boye bazali boye. Félix a nomme 10%. Tala oyo siko yo oza muyibi oza lokuta. Tokondima toko ya toko senga pardon. Mais bango ou lieba ya na ba argument selon pourcentage. Ya ba nomination 600 personnes ou a ye nango la présidence. Bango bazo ya ozali tribaliste, ozali ene. Et pourtant, wana acte wana bazo défendre, c'est l'acte ya tribalisme. Alors, yo nanga yinde kotouni question ou yo, ozali ko tika biloko ou yo, c'est que tolingi mboka na bisote. Il faut qu'on lobe la makambo oyo pour que makambo oyo échange. Eza malamu te. Bango balobaki balite pendant 37 ans, balobaki tokoya na pouvoir pour to changer. Balobaki teke tokoya na pouvoir pour que tola na makambo mobutu asalaki, tola na makambo kabila asalaki. Parce que comme il y a un argument, bozolo waboye, est-ce kabila asalaki angote? Bozolo mobutu asalaki angote? Mais non, vous avez lité pendant 37 ans pour changer le pays, pour changer oyo bobandai ko boya mobutu asali boya azo sala boya pourquoi kabila azo sala boya pourquoi biso soto ozui pouvoir toko changer ozui pouvoir siko ole bo changer bozo yakaka na makambo oyo bobandai ko condamner mobutu oyo bobandai ko condamner kabila est-ce que bozali ba escroté bozali ba escro vous avez compris mon ami voilà donc ndeko na biso nani fabe ko soigner ka lobaka dit amen Dites amen si vous avez compris. Voilà, merci. Donc, c'est ça la situation de notre pays. C'est notre responsabilité de les sauver. Pays est en train de l'humanité. Réchauffement climatique. Soit on sauve l'humanité, soit on détruit l'humanité. Choisissez, vous choisissez. Toku Fabisonioso, obéto sauver l'humanité. C'est pareil avec notre pays. Soit on sauve notre pays, soit on détruit le pays. C'est tout. Alors, bon choisir, Sikoyo. Mais sachez que si vous décidez de détruire le pays, partout où vous irez, même si vous avez acquis une nationalité étrangère, partout on va vous poser cette question. Vous êtes d'où? Quand vous dites vous êtes français, il y aura une sous-question. Oui, je sais, vous êtes français, mais originaire de. En Amérique, on pose ces questions. Vous êtes d'où? Je suis américain. Oui, je sais, mais originaire de. Donc, quand cette sous-question vient originaire de, ça signifie que vous n'êtes pas américain. On vous rappelle vos origines. Alors, détruisez votre pays, détruisez les Congos et faites face à ce type de questions à l'étranger où on vous rappelle votre origine. Alors, maintenant, la réponse sera quoi? Oui, originaire de ex-Congo. Il y avait un pays qui s'appelait Congo, qui n'existe plus. Voilà. Donc, tu dois choisir entre te sauver Mboka Nabiso ou bien te détruire Mboka Nabiso, te tika, ba vanipier, ba inconscient qui gouverne sans conscience. Toti Kabango, choix Ezali et Panabino. Dites encore Amen. Non, je dis pas à vous, je dis à mes beaux-frères. Hein. Fabien Kusanga Lobaka, beauté ami, dites Amen. Donc, si je dis dites Amen, je ne vous. Je ne me considère pas comme pasteur, mais beau détendre un peu. Moi, je suis stressé qui t'a moqué parce que Félix a stressé tous les jours. Congolais n'est pas stressé. Ils sont dans la diaspora, ils sont dans le Congo. Tout le monde est stressé parce que l'information est toujours à Félix, toujours mawa, mawa, mawa. Voilà. C'était là. Point d'abisso, il y a Lélo. Merci. Quand même, même si on a dit qu'on ne fera pas longtemps, mais voilà. 1h40, 40 minutes, 43 minutes, c'est trop. Comme je l'ai dit toujours, Makambeza toujours est belé à Koloba pour Nambo Kanabiso. Donc, une fois de plus, merci Mingi pour Nagozalavana. Franchement, Nazali flatté. Je vous remercie. Et là, on peut s'abîmer, on se fait sinon, Koloba Kaka, merci. Tous à la souder, tous à l'ensemble, pour que tout contre Batu Obalingi Mbo Kanabiso. To concret bateau oyo bamba pona bango c'est l'intérêt personnel d'une famille c'est l'intérêt personnel ya mutoko que Félix reste au pouvoir rien d'autre et biloko ya tolingi yango te toza so na monde ya baguru te vous voyez même na bamboka lokola Liban oyo ba sept ba qui n'a pas pays pandan plus de 30 ans. Groupe Kakawana Bakabula à pouvoir, mais maintenant tout le monde, bah, je sais que non, tout le monde a été payé comme un pays laïque. Le monde change. Donc, biloko ba guru wana te non, famille oyo karabatu bazala bato mayele. Chiseke diaza mayele, famille na yenyo so mayele. Gizenga mayele, famille na yenyo so mayele. Kabila mayele, famille na yenyo so mayele. Et pourtant, so tali bato anyo so na tangi. Biyungu na biyungu. Et tiens, chiseke di grand ki yungu. Le problème na ye azala ki nango étoile. Batu balinga ki yemini parce que a kosi batu a créer lokuta na ye batu ba sopani na lokuta wana nzoka ne grand kiyungu gizenga grand kiyungu yekutu na kombo elanda gizenga gizengi alors to bima na monde wana monde aleluya monde ya IT ya informatique ya information tout le monde information est à la portée okoyiko zwango. Ce n'est pas information, il faut que tu aies une famille, tu sais ce qu'il dit. Il faut que tu aies un monopole d'information, à connaissance, à voyer ma gambo. Non. Famille Gizenga, il faut que tu aies un monopole de connaissance. Non. Tout le monde aujourd'hui a connu que tu aies information, a connu que tu s'informes. Même si tu as dit que tu as un milouvor, tu es incapable de savoir qui est M. Yombi. Et pourtant, l'information sur M. Yombi, c'est sur le net. Tout le monde a connu que tu aies un mot. Mais tu es incapable de chercher. Voire même un avocat qui s'est dit avocat nganaza kazadi naza avocat désolé que nganaza avocat ngaboyoyé mais ayebite kozwa sokoza professeur pesa biso place au temps saka so mais il y en a sur les net voilà donc on avait déjà fini merci mingi aussi sur la boyo qui ma téléphone désolé là donc parce que je pense qu'il y avait quelque chose Bazeli ba monité coup d'appel moko il fallait tout ça là et ba monde ba sali yango on va les rattraper et s'excuser voilà merci mingi semaine ya malamu na bino nyonso na lobi ba merci ebélé hein ba merci ebélé ça me dérange pas semaine ya malamu misala malamu ba na ba kende classe malamu bo surveiller ba devoir na bango ko sakana mingi té et botika ba bo pesa ka bana ba computer mingité j'ai mingité ça détruit bana na biso ko pesa goût ya lecture au moins moi na réponse azo ke zo ngona na téléphone smartphone moi j'ai conseillé ba parents mingi au lieu sombela moi na téléphone smartphone non sombela moi na ordinateur na ndako ezala pona ba devoir mais sombela moi na téléphone oyo juste un téléphone simple qui n'est pas smartphone. Donc, à côté de l'Internet, c'est mieux. On a ébélé, donc, Bazali abdiqué na téléphone, smartphone, bajé, et Bazo Kotabilo, Moussou, Bazali permis na Kotate. Ba para, Bozo Salamisala, surtout, Bat Bazan, la diaspora, Bozo Salamisala, Obimi Tongo, Kozonga, tout le temps, à surveiller, moi, exact. Moi, na outil classe, yo, je suis en train de voir, je suis en train de voir, téléphone, na ya, en train de voir, à côté de la site, Moussou, ou Ezali Malamé. Donc, tout beau salaté, copé sa banne, ma canisse yamboka na biso, comment protéger le pays, comment défendre le pays, comment kolobela mboka na biso. Donc, voilà, en gros, ce qu'on voulait dire. Ah, yambalo pe na tiki binoa, botika malam. To yebite lobby, Félix Aoye la biso sousou, news nini. Merci. Beaucoup la vidéo, beaucoup de on se voit dans 2 ou 3 jours. Bye bye.